les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 68, sur les écrans français ou dans leur pays d'origine, sortaient des films qui, pour les uns ou les autres, et chacun dans leur genre, furent des films qui auront compté. Parmi eux, La planète des singes, La nuit des morts vivants, Il était une fois dans l'Ouest, Chronique d'Anna Magdalena Bach des Straubes, Le mandat d'Ousmane Samben, La pendaison d'Oshima, je t'aime de René, Au feu les pompiers de Forman et encore Fessis de Cassavetes. Et en 68, sortait 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui, un demi-siècle et des dizaines de millions de spectateurs plus tard, demeure toujours aussi fascinant et énigmatique que son célèbre monolithe. Vous êtes libre de vous interroger tant que vous voulez sur le sens philosophique et allégorique du film, disait Kubrick. Et une telle interrogation est une indication qu'il a réussi à amener le public à un niveau avancé. Mais je ne veux pas donner une grille de lecture précise pour 2001 que tout spectateur se sentirait obligé de suivre, de peur de ne pas en saisir la signification. En 1970, sur France Culture, Roger Pilaudin recevait dans Arcane Jean Monod, jeune ethnologue qui, avec son collègue Jean-Paul Dumont, signait « Le fœtus astral », un essai par lequel les auteurs ne cherchaient pas à comprendre le film, mais à analyser la structure de ce qui leur apparaissait comme un mythe cinématographique, ni plus ni moins. Arcane 70, 2001 L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, par Roger Pilaudin, avec Jean Monod, en 1970. Le fœtus astral. Essai d'analyse structurale d'un mythe cinématographique. Auteur Jean-Paul Dumont, Jean Monod. Éditeur Christian Bourgois. Dans l'introduction à leur livre, les auteurs écrivent ces lignes-ci. Le thème de l'origine des astres occupe une place privilégiée dans les plus vieilles mythologies du monde. La mythologie contemporaine vient de donner une nouvelle version de ce mythe. Il s'agit du film 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Nous nous proposons d'analyser cette œuvre cinématographique en nous inspirant de la méthode structurale. Il nous semble en effet que ce film est construit selon des règles qui s'apparentent plus aux règles de composition des mythes qu'à celles du roman filmé. L'analyse structurale ayant déjà fait ses preuves dans l'étude des mythologies, l'ambition de notre projet ne saurait en dissimuler la modestie. Mais la question que l'on peut se poser avant d'aborder ce livre complexe, Le fœtus astral, est la suivante. N'est-il pas nécessaire d'avoir vu le film 2001, Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick, avant de le lire, ou pour le lire? Et dans ce cas, avant de dire ce qu'est ce livre, ce qu'il a prétendu être, n'est-il pas nécessaire de dire ce qu'est ce film? Jean Monod. Oui, j'avais une simple remarque pour répondre à votre première question, c'est que malgré tout, nous voyons ce livre que comme un exercice. Pour nous, ça n'est pas un livre. Je ne sais pas ce que c'est qu'un livre essentiellement et absolument. Je n'y crois pas, ça m'intéresse pas tellement. Ce genre de considération, c'est un exercice que nous sommes imposés à partir d'un film qui nous a beaucoup impressionné. Ce film, il nous a impressionné justement. En dépit de ce qu'il raconte, si vous voulez. Alors, je peux vous re-raconter 2001, à notre avis, c'était justement ce qui se cachait derrière cette narration qui était intéressant. La narration, elle est très simple. On se trouve d'abord à l'aube de l'humanité. C'est le titre qui est donné pour la première, pour le prologue de ce film. Et on voit une série d'astres, puis on descend sur la Terre, petit à petit, et sur cette Terre est peuplée, c'est un désert, tout blanc, ce désert est peuplé de préhominiens, de créatures simiesques. Qui ne tardent pas à s'opposer les unes aux autres, se battent, se disputent une mare dans un désert, c'est une chose rare, et qui crée des rivalités pour celui qui la possédera. On nous montre donc l'état d'insécurité dans lequel vivent ces préhominiens, et le problème central de ces préhominiens qui est la possession d'une chose rare. Au cours d'une nuit, apparaît un monolithe dans le site qu'ils habitent. Apparition absolument miraculeuse, on ne sait pas d'où ça vient. C'est une forme d'un parallélépipède rectangle noir qui se tient verticalement. Et les singes sont, les préhominiens, sont attirés par cet objet, l'entourent, et cet objet disparaît, et après, on le revoit, ou plus exactement, on revoit des astres, lorsque un singe semble frappé par l'inspiration qu'il a reçue lors de l'apparition de ce monolithe, et il s'empare de d'ossements qui traînent dans le campement, qui sont les résidus des animaux qui sont mangés, des tapirs. Ils vivent en familiarité aussi avec des tapirs. Et s'empare d'un os et commence à frapper sur des vieilles carcasses qu'il démolit. Et on assiste à une autre bataille d'un groupe de singes armés d'un os et le groupe qui n'est pas armé. C'est le groupe qui est armé qui vainc l'autre et qui possède la mare. Et à la fin de cette chose, le singe jette son os en l'air et dans une espèce d'ellipse qui est la plus grande ellipse qu'on ait jamais faite au cinéma, on passe de cet os qui s'envole au ralenti dans le ciel à une fusée qui gravite autour de la Terre. Si on passe à la deuxième partie, nous sommes dans l'ère spatiale, c'est-à-dire que l'histoire humaine a été mise entre parenthèses. On est passé des préhominiens au post-homme, si vous voulez, ou à un homme d'une ère à venir, mais enfin probable et à venir, mais qui n'est pas l'ère actuelle, où les hommes sont déjà fortement implantés sur la Lune. Et on retrouve dans cette ère à venir la rivalité des singes, mais transposée dans des termes politiques plus actuels, c'est la rivalité des Soviétiques et des Américains. Qui se disputent quoi ? C'est ce qui nous est appris à la fin de cette deuxième partie. Ils se disputent un secret qu'ils ont découvert sur que les Américains ont découvert sur la Lune. Alors, les Américains cachent aux Soviétiques quelque chose qu'ils ont découvert sur la Lune en donnant des raisons qui sont parfaitement idéologiques et fausses. En disant par exemple que si c'était révélé, ce secret qu'ils ont découvert sur la Lune était révélé, sans préparation psychologique adéquate, ça produirait un choc culturel capable d'aboutir à des désintégrations, etc. En réalité, il s'agit simplement de transformer un secret, c'est-à-dire une connaissance scientifique qui devrait profiter à l'ensemble de l'humanité, en arme, précisément, en la monopolisant et en la divulguant pas. Oui. Ce qui crée une illégalité dans le savoir, et par conséquent, une supériorité du côté de ceux qui détiennent ce savoir. Et ce savoir, c'est simplement, on retrouve sur la Lune, le monolithe qu'on avait vu au début. La première partie. C'est un vestige archéologique, si vous voulez, sur la Lune. On l'excave, on le sort du sol comme on déterre des objets archéologiques sur la Terre. Mais cet objet archéologique est d'une forme géométrique. On se demande ce qu'il fait là, mais les hommes ont l'impression, on semble avoir recueilli les témoignages, qu'il a été délibérément enterré. Mais ce qui est plus important, c'est que ce truc envoie des messages. Et on ne sait pas où il envoie les messages, ce qui fait rebondir le film. D'où viennent ces messages et où vont-ils ? À qui sont-ils adressés ? La partie se clôt par un sifflement strident. Tous les cosmonautes sont là, ils sont, je ne me rappelle plus combien. Autour de lui, ils ont un sifflement strident qui est un message émis par le monolithe. Qui les fait tituber, on se demande s'ils ne meurent pas. La troisième partie, c'est un énorme vaisseau spatial qui va en route vers Jupiter. Vous avez deux hommes qui circulent dans le vaisseau. Et une troisième personne qui est en réalité un ordinateur. Mais qui est capable de lire, de parler. Enfin, c'est un ordinateur très en avance. Un ordinateur très en avance. Enfin, qui a toutes les fonctions intellectuelles, en tout cas humaines, extrêmement développées, même plus développées que les hommes. Le problème que les hommes se posent à leur sujet, c'est de savoir s'ils éprouvent des sentiments. Et on ne tente pas à s'apercevoir que cet ordinateur qui fait fonctionner tout le vaisseau spatial lui-même se pose des questions sur les hommes. Et à un moment donné, il détecte une panne. Il dit que dans tant d'heures, une panne se produira. Alors les hommes vont vérifier, vont sortir de l'extérieur l'objet, ce qui est une antenne, pour lui faire subir des tests, envoient par carte perforée le résultat de leur test à la Terre, où il y a un double de HAL, c'est-à-dire de l'ordinateur, qui fait toutes les vérifications et qui répond « c'est une erreur de HAL, il ne va pas y avoir de panne ». Et on comprend petit à petit que HAL a fait un test sur les hommes pour tester la confiance qu'ils avaient en eux. Il y avait une espèce de rivalité entre l'ordinateur et les hommes, rivalité fondée sur les questions que, du fait que tous avaient des fonctions intellectuelles, mais que les hommes, eux, C'est très curieux d'ailleurs. Ce sont eux qui se demandent si Hal éprouve des sentiments. Or, on a l'impression à entendre la voix de Hal qu'il est bourré de sentiments. C'est... Alors que les hommes sont d'une froideur. Ce sont des GI, quoi. Ce sont des soldats de l'espace. Des instruments. Des instruments purs et simples. Ouais. Et alors, ce test, si vous voulez, cette question que l'homme se pose à propos d'une machine qu'il a faite et dont il se demande dans quelle mesure il le dépasse, dans quelle mesure lui la dépasse, et c'est ce test que la machine veut faire sur les hommes pour savoir dans quelle mesure il peut véritablement encore se fier à eux pour accomplir une mission qu'en réalité il contrôle intégralement, aboutit à une rupture, c'est-à-dire à un conflit. Où cette fois ce ne sont plus deux bandes rivales de singes, les soviétiques et les américains, mais c'est l'homme et la machine qu'il a créé qui se disputent on ne sait pas trop quoi, car toujours dans ce film on est projeté en avant vers un terme qu'on ignore. L'os jeté est immédiatement rattrapé par des fusées, ensuite le sifflement qui est émis par ce monolithe nous entraîne dans la troisième partie qui est la recherche probablement de l'origine de ces émissions, de ces messages que retransmet, dont on se demande si le monolithe est le retransmetteur ou l'émetteur ou le récepteur, on ne le sait pas, mais on va à la recherche de ça. Et ce combat entre ce conflit entre l'ordinateur et les hommes qu'il est sur le point d'arriver à éliminer est un conflit pour on ne sait pas encore quoi. Et il se trouve que c'est in extremis un des hommes vint l'ordinateur, c'est-à-dire l'ordinateur s'arrange pour les faire aller tous les deux à l'extérieur, et puis ensuite refuse de répondre à leurs ordres. Le type à l'extérieur, Dave, dit à Hal, ouvre-moi, et l'autre refuse de répondre, et on assiste dans toute cette partie à une série de ruptures de communication avec la Terre, qui aboutissent à la rupture de communication totale qui fait de Discovery, le vaisseau spatial que Hal contrôle, un être parfaitement autonome, jusqu'à ce que par un acte de violence, Dave parvient à rentrer dans la fusée, et immédiatement après, on est projeté vers le terme de cette histoire qui nous est présentée comme une chute par-delà l'infini. Et c'est une partie qui est très belle, c'est une espèce de chute en avant, extrêmement rapide, elle est très très forte, ça donne très fortement l'impression d'une chute par-delà quelque chose qui est un au-delà, mais en même temps qui est une origine, car les astres apparaissent comme des choses en gestation, et... c'était assez curieux, Kubrick ne voulait pas dire au début comment il avait filmé ces espèces de gestations sidérales, et en les voyant, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu une impression de gestation, et pour moi il était évident que c'était des choses qui avaient été filmées au microscope et non pas au télescope, vous voyez. Et c'est effectivement ça qui se passe, et jusqu'à arriver dans un au-delà de l'infini qui, alors que cette chute prend la forme d'une décomposition de toutes les apparences, une vertigineuse, lorsqu'il accède à l'au-delà de l'infini, il se trouve dans un lieu qui est une chambre, style Louis XV, agence. Et par une succession de plans, un très habile jeu des contre-champs qui escamote les champs initiaux, on assiste au vieillissement progressif de l'homme qui est tombé par-delà l'infini et qui ultimement se résorbe en un vieillard, et puis la forme ultime du vieillard, comme la forme ultime de l'au-delà, c'était l'origine, de la même façon, au niveau du temps vécu par cet homme, l'au-delà de son vieillissement, c'est une renaissance, mais sous une forme supérieure, qui est la forme astrale, qui nous redonne l'image tout à fait initiale du film, trois astres qui gravitaient les uns autour des autres. D'où le titre de votre livre ? Le titre de notre livre, ça a été inspiré de cette image finale qui nous a semblé une totalisation de tout ce qui était dit dans ce film. Mais alors, comment vous est venue l'idée d'appliquer maintenant à cette histoire telle qu'elle est racontée comme un récit par un Américain qui s'appelle Stanley Kubrick, d'appliquer une méthode d'analyse structurale qui constitue une partie importante de votre livre? Et en quoi consiste cette analyse? Votre question vient exactement à point, parce que je vous avais dit que c'était ce qui nous avait intéressé, ça n'était pas le récit, et c'était ce qui était caché sous le récit. Néanmoins, je viens de vous raconter une histoire. Bien entendu, racontée telle qu'elle est racontée, telle que je viens de vous la dire, c'est une aussi grande déformation que la déformation à laquelle se livrent les ethnologues, par exemple, quand ils transcrivent des mythes, ou même quand ils les traduisent sans donner des transcriptions littérales des narrations que font les gens que l'ethnologie étudie. Là, le récit que je vous ai fait, c'est un récit oral à partir de quelque chose qui est en réalité dit dans des images et avec des sons. Par conséquent, il y a toute une partie, si vous voulez, que l'on peut prendre comme ça et mettre de côté, c'est justement le récit. Ce qui n'est pas racontable, c'est ce qui est dit effectivement dans ce film, c'est-à-dire non pas une histoire, non pas une narration, mais une combinaison de signes, des signes qui se combinent entre eux pour former quelque chose de signifiant. C'est-à-dire, ce qui nous a frappé, si vous voulez, à première vue dans ce film, c'est qu'il y avait un récit extrêmement ironique, puisqu'il met entre parenthèses l'histoire, c'est-à-dire le lieu où notre temporalité se joue, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à l'ère que nous connaissons. Donc, histoire ironique, en ce sens. Mais derrière cette ironie, il y avait beaucoup plus, c'est que en supprimant non seulement le temps de notre histoire, mais le lieu de cette histoire, c'est-à-dire ce qui pour nous est la nature, la Terre, l'auteur nous prive toutes nos références habituelles. Et il se donne par là la possibilité de constituer un langage sans référent extérieur, c'est-à-dire un langage qui crée la signification à partir d'une pure et simple manipulation des signes. Et c'est extrêmement frappant. Dans 2001, vous avez une signification, je dirais, apparente, qui est celle du récit. C'est le niveau de cette chose racontée qui a une continuité. Il y a une signification que nous croyons, disons, en première approximation, une signification non apparente, signification cachée, bien que le terme soit très mauvais, qui est la façon dont les signes se combinent. C'est-à-dire, ce n'est pas la signification de cette histoire, c'est la façon dont cette histoire se fabrique, se greffe, comme impossible, sur un langage qui est construit, lui, exclusivement à partir, je dirais, de critères formels. C'est-à-dire que vous avez des éléments extrêmement rares, du fait que nous ne sommes plus sur la Terre, nous sommes dans un monde de l'extrême rareté, du vide, avec du noir, du blanc, des formes géométriques extrêmement rares, rares au sens peu nombreuses, et où on peut jouer avec ces éléments pour créer des significations, mais des significations qui ne viennent pas de façon allusive par référence à un monde extérieur, à un univers préexistant de signification, si vous voulez. Il y a une signification qui se construit petit à petit par des critères purement formels et par ce jeu des signes, de façon quasi abstraite, hein, et pour probablement rendre intelligible et accessible ce jeu formel, qui n'est pas poursuivi jusqu'au bout, moi je le regrette personnellement, j'aurais préféré un jeu formel et abstrait poursuivi jusqu'au bout, il y a une histoire ironique, mais quand même une histoire qui nous est racontée. Autrement dit, on peut suivre le film au niveau de cette histoire, mais à mon avis, à notre avis, Jean-Paul et à moi, ça n'est pas du tout le niveau qui est important. Alors, ce qui était très intéressant dans une première étape, c'était de faire l'épreuve de la réalité de ce langage qui se construit signe à signe pour démontrer qu'il y avait effectivement une cohérence interne à un niveau non apparent, et qui était celui où le langage de ce film se fabriquait. Stanley Kubrick étant tout à fait inconscient de cette autre signification. Je crois qu'il en était parfaitement conscient. Le mot signification est mauvais, et c'est probablement ça qui rend votre question tout à fait plausible. C'est pas une question de signification. La signification, c'est par exemple le monolithe. Que veut dire le monolithe? À la place de quoi est le monolithe? Nous, notre question, ça n'était pas ça. C'était comment le monolithe vient-il s'insérer dans une chaîne de signes, d'une façon logique qui lui donne un certain nombre de possibilités de signification. Vous voyez ? Alors ça, à mon avis, Kubrick en était parfaitement conscient. C'est-à-dire que son monolithe, il l'a conçu selon des critères formels, rigoureux, avec des oppositions entre des objets noirs, des objets blancs, des objets ronds et des objets anguleux, etc. De façon à ce que le monolithe vienne à la fois comme quelque chose de miraculeux, parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'il fait chez les singes, en même temps quelque chose de parfaitement logique au niveau de la trame, au niveau de cette trame de signes qui est le lieu où s'élaborait le langage spécifique de ce film. Vous voyez, c'est le niveau où s'engendre un langage qui est, dans le cas du cinéma, un langage. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de règles valables pour tous les films. Il n'y a pas une grammaire du cinéma, à mon avis. Enfin, certains peuvent le penser. Oui, d'ailleurs, vous le dites dès le début de votre livre. C'est une méthode que vous appliquez à ce film-là, uniquement à ce film particulier qui n'est pas, qui ne prétend pas faire l'analyse du langage dit cinématographique. Oui. On peut dire en quelques mots comment vous vous y êtes pris sur le plan pratique. Vous avez mis le film à plat, on peut dire. Quand on analyse les choses, on les aplatit inévitablement. On a vu le film plusieurs fois avec Jean-Paul Dumont. Et puis on est allé avec un magnétophone, on a enregistré tout le son, en faisant un commentaire en même temps, refaire complètement le découpage. Je voudrais vous dire, entre parenthèses, que Jean-Paul Dumont et moi sommes des ethnologues. Oui, je voulais vous le demander. Nous sommes rencontrés, on se connaissait depuis plusieurs années, mais sommes rencontrés à Caracas, un peu accidentellement. Lui était en train d'étudier une société indienne qui s'appelle les Panarés dans le sud du Venezuela. Et moi, j'étais en train d'étudier une autre société indienne du sud du Venezuela qui sont les Piaruas. Mais sur le terrain, nous ne nous voyons jamais. Il se trouve qu'on s'est rencontrés à Caracas, lui parce qu'il était fauché, il venait chercher de l'argent, envoyer des lettres droite à gauche pour l'obtenir, pour pouvoir continuer son travail. Et puis moi, j'avais été blessé dans une manifestation d'étudiants à Caracas, j'avais le bras cassé. Alors j'étais coincé pendant un mois. Et alors on était tous les deux dans une situation d'attente, et puis on allait au cinéma. Alors c'est là qu'on a vu ce film. Mais alors ce que je voulais dire, c'est que on aurait très bien pu s'adresser à Kubrick, si vous voulez, et dire envoyez-nous votre scénario. Ça aurait été une méthode de sociologue, je dirais presque. C'est-à-dire, ouais. On passe par les réseaux officiels, on prend les. Parce que j'avais besoin de. Nous, on a pris notre magnétophone, on est allé ethnographier le film. Quoi. C'est là qu'est le rapport entre l'ethnologie et la tentative d'analyse du film. Oui, enfin, c'est là un niveau très anecdotique, ouais. Mais l'analyse, donc, on l'a faite à partir des documents qu'on a recueillis par ça, en faisant cet enregistrement. Parce que si on nous avait donné le scénario, ça aurait été faux. Moi, je crois que les méthodes ethnologiques, c'est-à-dire l'observation directe, sont meilleures que celles qui consistent à passer par des études déjà faites ou de chercher des trucs comme ça. Parce que il nous aurait donné le découpage, ça aurait pas été le film. Nous, ce qu'on voulait, c'était le film tel que nous, percepteurs et spectateurs, le recevions, en essayant d'être le plus objectif possible, en utilisant des instruments d'enregistrement, magnétophone, et en notant en même temps tous les plans. Ensuite, on a mis tout ça sur papier. Et on a eu l'impression très fortement que c'était pas seulement un film, c'était pas seulement une histoire. Et en première approche, si vous voulez, on a eu cette impression que c'était un mythe, c'est-à-dire une histoire qui résume en elle bon nombre de significations d'une société. Et vous aviez l'impression que vous alliez tous les deux, en quelque sorte, à la découverte du mythe ? À la découverte du mythe, non. C'est-à-dire, on a posé cette hypothèse que c'était un mythe. Alors ensuite, on a procédé d'une façon assez mécanique, je dirais, mais qui n'était pas sans une certaine malice. C'est-à-dire que les mythologies sont étudiées d'une façon très intéressante et qui a changé beaucoup de choses par Lévi-Strauss, les mythologies sud-américaines, nord-américaines aussi, les mythologies amérindiennes. Je veux dire que sur le moment, lorsqu'on a commencé cette analyse, ce qui nous a conduit à utiliser cette méthode, c'était l'impression qu'il y avait un niveau de signification apparente qui était trivial, c'est-à-dire le monolithe, c'est Dieu, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, à la place d'une chose, on en met une autre. Nous, ce que l'on a voulu savoir, c'est comment tous ces éléments se combinaient entre eux pour faire quelque chose, une trame qui constituait son propre langage. Alors, il nous a semblé que la méthode structurale, qui est justement une méthode qui vise à faire dériver la signification des relations que des éléments entretiennent entre eux, et non pas à chercher cette signification dans sa propre subjectivité, que ce soit sa subjectivité individuelle ou la subjectivité collective d'une société donnée, l'ethnocentrisme, ou que sais-je d'autre. Vous comprenez ? La méthode structurale donne, en tout cas promet, sur l'affiche, d'atteindre un niveau où ce qui est signifié, la signification, n'est pas quelque chose qui renvoie soit à la subjectivité de l'observateur, soit à la subjectivité de l'observé. Donne la possibilité de saisir ces nœuds de relation entre des éléments. Or, ce film nous semblait justement non pas construit avec un primat du récit et des significations et pour faire allusion et pour c'était pas de la métaphysique incarnée, c'était beaucoup plus un langage spécifiquement cinématographique qui, du fait qu'il prenait en même temps la forme d'un récit, était accessible à un grand nombre de significations. Contradictoires d'ailleurs, parce qu'on peut en donner des tas d'interprétations. Mais c'était intéressant, si vous voulez, d'utiliser cette méthode qui nous donnait un instrument qui est doué d'une certaine rigueur pour échapper à la tentation constante de partir du signifié, ce que l'on croit être signifié, c'est-à-dire du sens, pour montrer comment ce film s'y prend pour dire ce sens. Nous, c'était exactement le contraire. Au lieu de prendre le signifié d'abord, nous sommes partis du signifiant, c'est-à-dire de ces signes, pour voir comment ils pouvaient dire des tas de choses. Mais ces multiplicités d'interprétations, qu'on énumère à la fin du livre assez rapidement, ne sont pas du tout l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que je crois être un grand pas en avant du cinéma, dans le sens d'une rigueur abstraite. Je trouve un petit peu froid. Je veux dire, cette froideur me dérange davantage aujourd'hui. Mais lorsque j'étais chez les Piaruas, c'est-à-dire chez les Indiens, ces Indiens du Venezuela, j'étais tellement immergé dans la vie de ces gens que l'espèce de récit sur le non récitable vous a fasciné. Ça m'a probablement fasciné. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous demander à quoi vous avez abouti avec votre analyse ? Eh bien, on a abouti d'abord à la démonstration, il me semble, d'une proposition qu'on peut dire d'une façon très simple, à savoir que dans le cinéma, l'essentiel, ce n'est pas ce qui est raconté. L'essentiel, c'est un certain langage qui est en train de se chercher et de se former. Le théoricien du cinéma, si vous voulez, se pose beaucoup de questions sur ce que c'est que ce langage. Il y a aussi une façon d'aborder les problèmes du langage un peu dogmatique en décrétant ceci est un langage, ceci n'est pas un langage. Il nous a semblé que 2001 résolvait de façon assez magistrale, si vous voulez, le paradoxe du cinéma qui est un langage constitué de plusieurs langages, mais pas par l'addition de ces langages, le langage pictural auquel le mouvement ajouterait quelque chose qui nous rapprocherait plus de la danse, etc. C'est pas une simple accumulation de langage, c'est une synthèse de tous ces langages. Mais c'est un langage, pour reprendre une formule de Christian Metz, c'est un langage qui n'est langage qu'à condition d'être art et art qu'à condition d'être langage. C'est-à-dire que chaque film doit inventer ses règles de composition. Il n'y a pas un langage cinématographique en général dans lequel puiserait l'artiste pour faire son œuvre de cinéma. Il y a quelque chose qui s'appelle le cinéma et qui ne s'appelle le cinéma que dans une œuvre cinématographique. Ou on peut prendre une échelle plus longue. Si vous prenez des gens comme Ingmar Bergman ou Antonioni, par exemple, vous pouvez prendre chaque œuvre et réfléchir sur ce qu'est le langage cinématographique dans son œuvre. Vous pouvez aussi procéder, ce qui me semble une très mauvaise façon de voir, faire le recueil des thèmes, des obsessions d'Antonioni, etc. Tout ça, c'est le déchet. Enfin, c'est un homme... L'anecdote, il est embarrassé de toutes ces histoires-là. C'est son problème. Mmh. Là où il m'intéresse... C'est-à-dire là où il rejoint une inquiétude que j'ai de, je dirais pas d'accéder au sens, mais de savoir ce que je dis quand je parle. Là où Antonioni m'intéresse, c'est dans sa façon, par exemple dans Zabriskie Point. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant cette histoire d'un groupe de jeunes révolutionnaires, enfin en milieu étudiant, mais c'est se servant d'un instrument qui met en place l'espace sur l'écran et le temps, ce temps et cet espace étant intriqué, et qui dispose également du son, ce qu'il faisait de cette... C'est-à-dire, il ne s'installe pas dans un espace et dans un temps tout fait pour inscrire sa petite anecdote là-dedans. Il travaille directement sur une matière qui est l'espace, le temps. Il prend à bras le corps, c'est le milieu même de notre existence, selon ces deux dimensions de l'espace et du temps, et il en fait quelque chose. Et c'est admirable dans Zabriskie Point. Il y a un moment où, après qu'on est dans un espace énorme, avec un avion qui vole au-dessus, qui fait le fait, c'est un flirt extraordinaire, un avion qui flirte avec une voiture. Et enfin, l'avion se pose, et ensuite, on a les gens qui sortent, la fille qui sort de sa voiture, le type qui descend de son avion, et tout est en gros plan sur les visages, ils se tournent autour, ils rentrent dans la voiture, l'un ouvre la porte, l'autre s'assied à côté, on ne sait absolument plus où on est. L'espace est volatilisé. Et c'est pas simplement de la virtuosité, c'est que simplement, c'est une façon, par le détour de l'espace, qui était la catégorie fondamentale de ce récit, un type qui fait la cour à une fille, ces gros plans qui faisaient volatiliser l'espace signifiaient simplement qu'ils avaient eu le coup de foudre. Et c'est ce qui vous a intéressé en premier lieu dans le film de Stanley Kubrick. C'est ce qui nous a intéressé avec Jean-Paul Dumont dans ce film. Non seulement ce que je vous disais sur le plan de cette combinaison de signes qui nous semble plus intéressante que la narration, mais aussi spécifiquement comment il s'y prenait pour arriver à faire cette combinaison de signes, à faire signifier par exemple à un rond rouge ce qu'il voulait par une combinatoire qu'il opposait à un triangle noir, si vous voulez. Ce qui faisait que la chose, c'était la chose elle-même, c'était pas la chose par référence, elle ne signifiait pas, le rond rouge ne signifiait pas par référence à quelque chose d'autre, qui donc le vidait de son intérêt, puisqu'il suffisait de s'y reporter. C'est comme lorsque Kandinsky disait qu'une figure reconnaissable est beaucoup moins intéressante qu'un triangle jaune, parce que le triangle jaune, c'est lui, il n'y en a pas d'autre à sa place. Et c'est ça qui était intéressant dans 2001, en dépit de cette histoire qui est racontée, c'est-à-dire qu'il pouvait être analysé à la façon dont nous l'avons fait selon une méthode structurale, mais en même temps, cette méthode structurale ne rendait pas compte de l'autre niveau, malgré tout. Le spectateur ne perçoit pas le film comme nous avons appris à le percevoir, en raison de certains de nos intérêts, c'est vrai, mais il le perçoit beaucoup plus au niveau de l'histoire. Alors, nous sommes demandés si nous n'étions pas en train d'essayer de faire, de réhabiliter à nos propres yeux le film plus qu'il ne le méritait, parce que c'est peut-être un échec, dans la mesure où il est beaucoup plus perçu comme un discours théilardien. Vous avez envoyé votre livre à Kubrick ? On va l'envoyer. Et vous aimeriez voir sa tête quand il va le lire ? Sa tête quand il va le lire, c'est plutôt ça. C'est les réflexions qu'il serait susceptible de faire après. Mais je vous dirais que, après avoir fini tout ça, il nous a semblé que il était impossible que Kubrick ait réalisé son film sans... Seulement au seul niveau des apparences. Au niveau des apparences et au niveau du récit. Et ça, enfin, moi, je fais un film en ce moment. Je suis en train de monter un film que j'ai fait chez les Indiens. Et c'est évident, les problèmes de montage, ça pose des questions d'organisation des plans en fonction de leurs critères formels pour ne pas constamment rester dans le niveau de l'allusion et ne faire une simple illustration comme la trop fameuse idée du miroir qu'on promène le long des apparences. C'était 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, avec Jean Monod au micro de Roger Pilaudin dans Arcane 70. Première diffusion le 17 décembre 1970 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.